L'IMC, premier album, ouais, hein. Ici c'est thème triste, alors en gaine, tes belles histoires, vision terne, musique urbaine, claqueur de star. Agressif, depuis que la fille m'a serré par le col, auteur de paroles crues depuis l'époque des heures de colle. Ici c'est speed, voir des gens changer subitement, moi je reste le même, rimeur à gage, basket, survêtement. Le regard solitaire avec la haine dans les entrailles, vision terne, le répertoire de toutes mes entailles. Imagine ta femme, un autre homme, scénario de cauchemar, l'amour se transforme en haine, tu rejoins le camp des couches tard. Premier album de l'IMC, des rimes et des sanglots, retour de flammes. À toute une bande de salauds. Chaque jour que Dieu fait, j'affronte la vie, les yeux mouillés. 22 piges au compteur et le cœur déjà rouillé. Ici c'est thème triste, alors engaine tes belles histoires. Vision terne, musique urbaine, claqueur de stars. Les fausses tirs, afin d'éviter le drame. Pour ceux qui avaient des doutes, l'IMC retour de flamme. La confiance ça se paye, mon roman m'a volé la monnaie. L'échec poisse pleure, à la vingtaine je suis abonné. Ici c'est guerre et drame, dictature et génocide. Tolérance zéro, là l'écriture d'un jeune acide. Je pète le score, je montre l'étendue de mon talent. Seul dans la course, wanted par des étalons. J'ai cru au mot amour et on m'a présenté la haine. Narrateur d'histoire mélancolique en studio et sur scène. Je veux aller au bout de mes rêves, briser les bâtons qui me bloquent. Jeune MC au sujet grave, rappeur trop speed à la voix rock. Et ici c'est triste époque, dans un monde en couleur. On vit le drame, on vit la peur, l'extrême droite et la douleur. Liste électorale, le diable est dans la boîte. Méfie-toi de l'homme blanc et la parole de sa main droite. Retour de flamme, ici les bohémiens se crachent. Y'a des mendiants dans le métro, y'a les pauvres et les riches. Y'a des artistes à l'affiche avec le niveau qui flanche. Moi j'ai le talent qui fâche et le flow qui fauche. Y'a les beaux, y'a les moches, moi sous mes yeux j'ai des poches. Y'a les clairs, y'a les biches, y'a le vice qui est de mèche. Y'a une poignée de gens droits qui m'ont guidé dans mon parcours. Y'a sa voix au piano et mon album qui vient du cœur. Du cœur, du cœur, du cœur, du cœur, du cœur. Premier album de l'IMC. Chaque jour que je fais, j'affronte la vie, les yeux mouillés. 22 piges au compteur et le cœur déjà rouillé. Premier album de l'IMC, des rimes et des sanglots. Retour de flamme face à toute une bande de salauds. Chaque jour que je fais, j'affronte la vie, les yeux mouillés. 22 piges au compteur et le cœur déjà rouillé.